franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Dans le département de l'Indre, ma chère Marga, est tapie une jolie petite cité sans prétention, une cité du nom de Châteauroux. Châteauroux qui propose à ses visiteurs égarés le musée des arts et traditions populaires, qui est situé au cœur du parc Balzan. Un musée qui regroupe des collections basées sur le thème de la culture berrichonne, ainsi que sur la vie rurale en Berry. Des photographies, des gravures, des coiffes, des objets, en tout genre, qui font renaître la vie des paysans d'antan au cœur de cette province de France. Ça a l'air formidable. Mm-hmm. Sophie de Châteauroux, qu'est-ce qui vous amène? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est ma chatte. Ah, d'accord. Alors, quel est le problème? Je crois que j'ai un problème de parasite. D'accord. Alors, en tant que médecin généraliste, je vais peut-être avoir mes limites. Hein. Alors, des parasites, donc, sur votre chatte. Hein. C'est un petit peu gênant, quand même. Hein. Mais vous savez, Sophie, Philippe a fait des remplacements en campagne, il en a vu toutes les couleurs, alors. Allez-y. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des parasites, madame? Les démangeaisons. Ouais, vous avez essayé le DDT? Je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Bah, vous frottez à sec après l'application, ça s'en va tout seul. Bah, je rince à l'eau. Ah non? Ah ben non. Ouh là là, non, surtout pas d'eau. Non, jamais. Pas d'eau. Juste un petit jet rapide dans le bidet. Oh non. Ouh là là, surtout ne lavez pas votre chatte, c'est très mauvais, c'est traumatisant et ça dérègle tout. Hein. Ah bon? Ah bah oui, une chatte, ça se nettoie tout seul, madame. Bah, comment ça, ça se nettoie tout seul? Bah oui, enfin je sais pas, pourquoi pas du savon pendant que vous y êtes. Bah oui, mais j'utilise du savon. Puis je rince toujours bien, puis je sèche bien. Oui, non mais alors attention, parce qu'on a l'impression de bien sécher justement, alors qu'en fait il reste toujours de l'humidité à la base des poils, entre les plis. Ça entretient la prolifération du parasite justement. Parce qu'en la lavant, vous déséquilibrez son pH, madame. Bah oui, mais j'utilise des produits faits pour ça. Au pH neutre. Oui, mais alors ça, c'est du marketing pur. Laissez-la tranquille, arrêtez d'y toucher, la pauvre. Il faut bien que je la lave, sinon ça sent mauvais. Mais non, maintenant, ça ne va pas sentir mauvais. Ça va juste sentir son odeur de petite chatte, c'est tout. Et il ne faut pas vivre dans un monde aussi aseptisé. Oui, et puis il ne s'agit pas de fourrer son nez dedans toute la journée. Ah ben non, évidemment. Bon, vous avez tendance à retrouver des touffes de poils par terre? Oh non, pas des touffes. Mais quelques poils, oui, dans la douche, oui. C'est ça. Mmh. Madame, arrêtez de la laver, ça va passer tout seul. Mmh. Non, mais je crois pas que ça va passer tout seul. Parce que la peau, à la base des poils, est quand même très irritée. Ça desquame. Oui. Alors attendez, parce qu'il y a des squames et des squames. Hein. Il faut être bien certaine que ce sont des squames. Et si c'est le cas à ce moment-là, il y a des traitements anti-squames très efficaces. Non, mais desquamer. Ça veut dire que ce sont des petits morceaux de peau, vous voyez, comme des pellicules qui tombent. Oui, je sais ça, merci madame. Alors, ça peut être lié au stress, hein? Ah bah oui, j'y ai pensé en fait. Ou même traumatique, il faut tout nous dire, hein Sophie. Alors, à votre connaissance, il n'y a rien qui pourrait être d'origine traumatique? C'est vrai que mon mari est peut-être un petit peu, pas brutal, mais enfin disons intense. Oui, mais c'est bien de jouer avec, mais il faut qu'il soit délicat, hein, parce qu'à l'intérieur, c'est comme un lapin, il y a des os minuscules. Ah bon? Ah bah oui, on s'amuse, on rigole, tout va bien, puis hop, d'un coup, on a vite fait de déboîter le bassin. Oh oui. Ah non, mais comment ça, qu'est-ce que vous me dites? C'est pas un sauvage, mon mari, il est pas inconscient. Non, mais moi non plus, je suis pas un sauvage, mais vous savez, alors je vais vous faire une confidence, ça m'est arrivé. Voilà. Ça nous est arrivé. Oui, hein, et il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, Marga. Oh là. J'étais content, je jouais avec, et puis on mesure pas toujours sa force. J'ai entendu un petit crack. Elle a hurlé. Ah oui. Et là, je me suis dit, ben voilà, mon grand a gagné. Ouais, ça, il n'était pas fier. Bah, attendez, elle a boité pendant 10 jours. Oui, facile. Oui. Et ben du coup, j'ai plus le droit d'y toucher, voilà. Bah oui, mais attends, ma pauvre petite chatte, c'est normal. Voilà. De toute façon, alors là, plus personne n'y touche, même les enfants. Ah non, hein. Comment ça, vos enfants, ils touchent ? Bah, plus maintenant. Ou de toute façon, ils sont grands, ça les intéresse plus. Toujours pareil, au début, tout le monde veut jouer avec. Et puis là, résultat des courses, je me retrouve toute seule à m'en occuper. Hein. Allô ? Oui, oui. Allô ? Oui, oui. Hein ? Donc nous sommes d'accord. Maintenant, ça c'est notre histoire personnelle, hein. Mais si vous voyez que c'est dégénère, bah, allez voir un vétérinaire. Un gynécologue ? Pour ? Bah, pour moi, c'est pour ma... Bah, oula, allô, allô ? D'accord, je crois que je viens de comprendre. Ça vous amuse, madame, d'utiliser ce mot-là devant des millions d'auditeurs à l'heure du repas pour parler de votre intimité ? Mais pardonnez-moi, on s'est pas compris. Moi-même, j'étais très choquée. D'ailleurs, vous utilisez ce terme, je me suis dit que c'était votre façon à vous de dédramatiser. Il y a les médecins qui font ça. Oui, bah pas ici, madame. Vous avez sonné à la mauvaise porte. Ah non, mais je suis très, très mal à l'aise. Tout à coup, j'ai l'impression de passer pour quelqu'un de vulgaire. Oh, je suis désolée, vraiment. Voilà, allez, voilà. Oh, au revoir, madame. Au revoir. Non, c'est pas grave, madame. Au revoir, madame. Oh là là. Désolé, j'ai envie de vous dire qu'aucun crime n'est vulgaire, mais la vulgarité est un crime. Et la vulgarité, c'est ce que font les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Wilde. Oui, et il en connaissait un rayon, hein, oula, du mot vulgarité. Bien, encore une fois, désolé. Oui. Et au revoir à tous, au revoir à toutes. Merci Yann Chouquet d'avoir mis en onde cette émission. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.